L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le Cercle Sanjaï revient les 13 et 14 juin. Ce sera au Cercle du Travail à Nancy. Et pour nous en parler, nous accueillons Floriane. Bonjour Floriane. Floriane de la compagnie Branle-bas de combat. Qui participe activement, bien sûr, à ce rendez-vous. Alors, un mot déjà sur la compagnie, la Branle-bas de combat. C'est quoi votre philosophie ? Alors, on est une compagnie théâtrale qui existe depuis 2016-2017, à peu près. On a deux spectacles à notre actif, donc des créations. On est une troupe nancéenne. On a un premier spectacle qui s'appelle Poilus Park, qui retrace l'histoire vraie d'un parc de divertissement pour les poilus qui était tout près du front à Commercy. Il y a très, très peu d'archives et nous, on a retrouvé le peu d'archives qui existent et on diffuse les photos du coup pendant ce spectacle. Et notre deuxième création, c'est une commedia dell'arte et qui s'appelle Les comédiens italiens chassés de Paris. Toujours basée sur une histoire vraie, il y a très peu d'archives, donc on a essayé de voir et de retracer un petit peu la blague sur Madame de Montémon. On a joué donc aux Journées mondiales de la commedia l'année dernière et là on vient de jouer tout fraîchement aux Actes citoyens ce dimanche dernier pour présenter ce spectacle. Donc nous, si vous voulez, notre lieu de résidence, c'est le Cercle du Travail. On est très actifs avec le Cercle sur leurs événements et du coup, on est en partenariat et on est bénévole sur le festival. Et voilà, on va jouer aussi. Le Cercle du Travail, c'est où à Nancy ? Porte Saint-Georges. Porte Saint-Georges, c'est facile à trouver. Et c'est là-bas que va se dérouler le festival. Exactement, oui. Le Cercle Sanjaï, donc c'est la troisième édition. Oui. Là aussi, c'est quoi ce festival ? Alors, c'est le Cercle qui l'organise. On est vraiment sur un festival accessible à tous. C'est vraiment la philosophie du Cercle, c'est de pouvoir proposer des spectacles tout public et effectivement à moindre coût, voire des fois gratuit pour certains spectacles. Et ça, c'est important, cette gratuité aussi ? Oui, oui, oui. L'accessibilité à tous, c'est très important. C'est la philosophie du Cercle depuis toujours. Donc, on essaye de rentrer dans cette lignée. On a des prix qui combattent toute concurrence pour les spectacles. Et puis, vraiment, les spectacles sont très qualitatifs. Donc, c'est sur deux journées. Donc, du théâtre, bien sûr, mais pas que. Hein. On est vraiment sur du théâtre, de la musique. Et puis, il y a des scènes ouvertes. Et puis, la présentation aussi de la chorale et du théâtre du Cercle. Parce qu'il faut savoir que le Cercle a plein d'activités en semaine. Et on a de la couture. On a de la chorale, on a du théâtre et du coup, il y a aussi les spectacles un petit peu de fin d'année qui seront représentés lors de ce festival. Voilà, ça permet un peu de mettre en avant aussi toutes les activités du Cercle du Travail. Exactement, oui. Si vous deviez présenter le Cercle du Travail en quelques mots. Accessible, bonne humeur, plein d'activités pour tout le monde. Voilà, c'est un lieu insoupçonné, un cadre très très beau. Il faut savoir qu'au-dessus de la Porte Saint-Georges, il y a un théâtre à l'ancienne, un très beau théâtre. Et puis, il y a un théâtre extérieur aussi qu'on appelle le Théâtre Verdure. Et c'est très très joli, un joli cadre. Voilà, c'est méconnu, c'est l'occasion de venir découvrir donc, le Cercle du Travail avec ces deux journées, le Cercle Sanjaï. Dans les temps forts de, sur ces deux journées, vous metteriez quoi ? Le vendredi soir, il y a deux concerts qui sont gratuits devant la Porte Saint-Georges, donc plutôt côté Made in France, donc de l'autre côté. Mais déjà là, c'est un cadre exceptionnel de pouvoir jouer devant la porte. Donc il y a deux très beaux concerts. La journée du samedi, il y a plein de spectacles, mais il y a un gros temps fort le samedi soir pour la soirée cabaret, donc sur le thème des années folles et en partenariat avec du coup Nancy et Métropolis, le festival. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'artistes qui vont être présents sur cette soirée. Elle va être de 21h30 à minuit. Et là, on va vraiment alterner de tout, de la danse, du chant, du théâtre. Donc la troupe sera également là pour faire des petites scénettes. Et puis ça promet vraiment d'être une très très belle soirée. Très grande fête en tout cas, vous avez dit que c'était gratuit pour certaines animations, peut-être pas celle-ci ? Non, pas celle-ci. Alors du coup, le vendredi soir, les deux concerts sont gratuits. Ensuite, la journée du samedi 14, donc on a des spectacles à partir de 14h jusqu'à 20h30. Certains spectacles sont gratuits, il y a des concerts aussi, et puis il y a des spectacles payants. Vous pouvez retrouver toute la billetterie sur Hello Asso et sur nos pages, notamment Facebook, où on remet les liens. Donc il y a la page Facebook de Branle-bas de combat, de la troupe, et puis celle du Cercle du Travail. Et la soirée cabaret est à hauteur de 25€ avec une consommation offerte si vous venez avec votre plus beau vêtement année folle pour qu'on reste vraiment dans ce thème hyper festif et qu'on fasse la fête tous ensemble. Et au niveau des spectacles, on est vraiment sur des petits tarifs. On est donc à 5€ pour les spectacles payants, avec les moins de 10 ans, 3€ et gratuité pour les moins de 4 ans. Et après, vous avez des formules. Si vous prenez 4 spectacles, on est à 15€, 10€ en tarif réduit. Donc voilà. Et il vaut mieux réserver peut-être ? Oui, c'est conseillé parce que la Porte Saint-Georges, voilà, c'est des petites capacités. Donc si vous voulez être sûr d'avoir votre place pour le spectacle coup de cœur, n'hésitez pas à réserver sur Eloiseau. On vous souhaite quoi pour cette troisième édition du Cercle Saint-Georges, Floriane ? Eh bien, du beau temps, de la bonne humeur, voilà, et puis qu'on s'amuse tous ensemble, que ça soit une réussite. Rendez-vous les 13 et 14 juin. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.